Les débats. Pas de radio et pas d'insultes. De Gérard. Et voilà, 1h41, donc vous êtes toujours sur Fun Radio, donc c'est le deuxième débat et on salue les gens qui sont sur IRC. Donc on salut. Salut tout le monde, on leur fait coucou, on les remercie d'être là. Voilà, on a redépassé les 2000, hein, quand ils ont entendu qu'on changeait de débat, ils sont tous revenus et on est 2147 plus 3. Okay. Par contre, il y a un petit problème avec Andouillette, je suis désolé pour toi, mais je ne vais pas pouvoir te prendre pour le débat. Pourquoi ? Non, parce que 13 ans et demi, je veux pas. C'est tout. Non, il est hors de question. Non, mais moi je suis précoce, moi. Non, je veux pas le savoir, 13 ans et demi, j'en veux pas dans le débat. J'ai dit non. Bon, ok, je le jarre. C'est pas croyable. Voilà. C'est tout, moi je prends pas des mineurs dans mes débats. Non, et donc le disque. Oh, ça suffit là. Le disque qu'on venait d'écouter, c'est Gérard du côté avec la boule de travers. Et donc, on va accueillir pour ça Barracuda, 21 ans de la Mette Beuvron. Ouais, mais respect du soir. On écoute Fun Radio sur 106.4. Et demi. 106.4, j'ai moi. Ah bah, et demi, ou alors je suis en avance, je sais pas. Ouais, c'est pas grave. Grosse Berthe, 22 ans, Bordeaux, 91.8. Bonsoir. Salut, Grosse Berthe. Sanisette, 19 ans, Bourricot. C'est la ville, ça ? On appelle de Bourricot. On écoute Fun Radio 97.3. Eh, on peut peut-être vous réveiller quand je vous parle et me dire si c'est bien les fréquences. Bah, je t'ai dit oui, hein. Ok. On se réveille. Bourricot. Sanisette, là. Oui ? On se réveille. Bah, c'est moi, je te dis réveille-toi, je t'ai déjà répondu. Ok. Alors, Twingo, 21 ans, Paris, sur 101.9. Ouais. Et Petit Suisse, 19 ans, Brest, 98.9. Ouais, bonsoir Gérard. Bonsoir, donc le débat ça porte sur... Comment ? Les putes. Sur la prostitution. Ouais, c'est pareil. Je tiens à rappeler Gérard quand même qu'on a une prostituée avec nous. Ouais, je sais, j'ai vu. Donc tu cherches quelqu'un à la place d'Andouillette s'il te plaît, merci. Ouais, tu fais ton boulot. Ouais. Vite fait, bien fait, sinon gare à ton matricule pour toi. Alors, la première question, donc, avez-vous déjà été voir une pute ? Si oui, pourquoi ? On va demander ça, ben, Petit Suisse. Ouais, j'y vais deux fois par semaine pour me vider les couilles. Ouais. Et ouais, je prends un maximum de plaisir sur ça. Ouais. D'accord. C'est pas mal. Donc, Twingo. Oui, alors moi, je suis prostituée de profession. Ouais. Donc, j'ai l'occasion d'en voir pas mal. Ouais, je vois mes copines qui sont prostituées aussi, quoi. Donc ouais, je vais les voir des fois, on fait des bouffes, donc tu vois des putes. Voilà. D'accord. Sanisette. Ouais, moi j'exerce occasionnellement pour arrondir mes fins de mois. D'accord, c'est pas mal, c'est pas mal comme truc, Grosse Bertha. Non. Non, mais tu peux préciser ? Non, puisque j'en suis une. Non mais attends, c'est un mec, commence pas à dire des conneries. C'est un guignol. Un peu, ouais. Ouais, et fil d'art, quand je t'appellerai Potium, tu sortiras de sous le standard, d'accord ? Non, mais les prostituées, mec, ça s'appelle des guignols. Pour l'instant, tu vas éteindre ton micro et tu vas faire ton boulot comme je te le demande, ok ? Des guignolos. Alors, Barracuda. Des guignolos, s'il vous plaît, je préfère. Oh, grosse Bertha, tu te tais, s'il te plaît, merci. Barracuda. Ouais, moi j'y vais comme tout le monde, hein, pour l'hygiène. Pour me vidanger, quoi. D'accord. Et il n'y a pas d'autre solution que d'aller en voir. Tu peux me dire. Attends, Grosse Berthe, Barracuda. Ouais. Tu peux me dire s'il y en a de ton côté là-bas ? Bah ouais, c'est quand même assez blindé au niveau pute, ouais, il y a tout ce qu'il faut, quoi, ouais. C'est abominable. Du quel côté qu'il y en a ? Parce que je connais un peu. Gauche. Tu connais les coins putes ? Non, mais je connais la Mode Beuvron parce que j'y étais, alors donc. Mais je voudrais pas trop citer parce que je voudrais pas qu'on me repère près du boulevard Jean Jaurès, quand même. D'accord, mais c'est pas mal, c'est bien précisé quand même le nom de la rue, hein. Y a pas de problème. À la place d'Andouillette, on accueille Monsieur Claude. Bonsoir, je suis Macron. Salut. Et je le revendique. Salut Macron. Bonsoir. C'est Barracuda. Salut Macron. Ah, ça y est. Donc pour toi, Monsieur Claude. Ouais, écoute, moi je mets des putes sur le marché. Ouais. Et ce qui se passe, c'est que c'est sur le boulevard Ney. Alors, encore une fois, je tiens à préciser que le prochain qui me donne un nom de boulevard, Gerbe. C'est clair, net, précis. C'est pas valable. C'est pas valable. Attends, toi, tu risques de gerber vite fait, toi. Je vais pas chercher qui c'est, hein. C'est horrible. Ok. Horrible. Alors, susceptible. Oh, on s'écrase. Inaudible. On s'écrase. Donc, monsieur Claude, pour continuer. Ouais, donc, excuse-moi, j'ai un peu de débordement. Ouais. Je voulais faire un peu de pub pour mon commerce, je suis désolé. Ouais. Ouais. Donc, oui, tout à fait. Mais je respecte ces femmes à leur juste valeur de traîner. D'accord. S'il vous plaît. Oui, oui, c'est qui là? C'est Twingo. Oui. Je ne suis pas. Pas de marque. Oh, pas de marque. Ouais. Eh oh, le prochain qui ouvre sa gueule quand quelqu'un part, gerbe. Ok, ouais. Ok. Ouais. Alors, Twingo. Oui, je vous demande juste d'avoir un langage correct en parlant de nous, on n'est pas des traînés. Ouais, mais toi, t'es pas de série déposée, toi. Ok, salope. Oh. qui c'est qui s'amuse à dire des saloperies, là? Allez, hein. Barracuda, bonne nuit. Terminé pour moi. Non, c'est pas Barracuda, gère un peu, je vais essayer de voir qui c'est, mais fais quelque chose, quoi. Ouais, mais attends, toi, je t'ai dit d'éteindre ton micro, c'est pas moi. Tout, c'est un, nom c'est de un Gérard. Bon, Gérard. Oh, vous avez... Gérard, vous pour vous reprendre le débat, on a un petit sondage, allez. Donc, à la question pour ou contre la prostitution, 20% attends, des gens... Attends, Manu, ouais. Les pour ou contre, ça commence à me casser les... Il est bien, celui-là, il est bien, va avoir des réactions. 20% des gens sont pour Alain Prost, 30% n'ont pas le permis, et 50% n'ont jamais été routiers, donc ne connaissent pas les prostituées. Alors, tu vois, Manu, voilà. ta réaction, là, ouais. Ça, c'est de la connerie, donc c'est pas la peine d'intervenir pour me donner des réactions. Puis, bah, je sais pas, ça aurait non, parce que Alain Prost n'a rien à voir dans le débat de la prostitution. Ouais, ok, mais... alors c'est pas la peine de dire des conneries. Ouais, d'accord, ok, d'accord. Les routiers, ils ont quand même à voir. Hein. Bon, toi, tu t'écrases pour l'instant, ok. Non, mais attends, j'ai été routier et je me suis arrêté voir des putes dans les camionnettes, je sais de quoi je parle. Ouais, bah, de toute manière, il y en a un peu partout. Hein. Bah, ok. Les camionnettes, les routiers. Ok, bon, qui c'est qui veut rajouter quelque chose? Il y a une nana qui voulait parler, c'est qui? Bon, bien, c'est bien quand je demande qui veut parler, il n'y a plus personne. C'est pas mal. Tu as envie de parler ? Nous t'écoutons. Bon, ouais, alors. J'ai des bandes de réduction sur les fellations, si ça intéresse quelqu'un. C'est qui ça ? Monsieur Claude. Ouais. Les 10 premiers, plus un invité, j'ai une réduction sur les fellations. D'accord, eh ben. Priska et Zoubira. D'accord, ok, on a très bien compris le message. Donc... Vampire, j'espère. Elle suscite les DS. Oh, et on se calme un peu là ou quoi ? Donc alors, moi je vais répondre quand même à la question. Il faut. Je vais quand même répondre à la question parce que avez-vous déjà été voir des putes? Si oui, pourquoi? Moi je peux vous dire une chose, que je n'ai pas eu l'occasion d'y aller. C'est oh, tout. Voilà. Gérard, tu peux nous le dire, non, entre non, nous. Non, mais ça y est, j'ai répondu. Donc, ils veulent pas de lui. C'est pas mal, parce que tu veux. C'est ouais, qui c'est vrai. Ça s'est peut-être arrivé, ça, Gérard, de te faire recaler par une pute, non? Non, non, pas du tout. Non, mais quand vous voulez jacter, vous donnez vos noms, parce que j'en ai marre d'entendre... Ouais, c'est Polo, c'est un menteur. C'est qui? C'est Polo. Non, il n'y a pas de Polo dans le débat. Ouais, c'est Polo et c'est un menteur. Bon, attends, toi, tu vas commencer à t'écraser. Hein? Ok? Oui, c'est Pépito, je voudrais... Écrase! Et oh, fil d'art. Ah, on sonne à la porte. Fildar, où tu me jettes. Fildar, oh, s'il vous plaît, vous calmez. C'est Lolo Ferrari. Bon, Fildar. Oh, qu'on se parle les oreilles, là. Elle sonne avec son téton. Putain, c'est pas possible de travailler avec un con comme lui, hein. Ah, blanqui, hein. Elle est pas baisable, cette meuf. Non, mais quand vous aurez fini vos conneries, on pourra peut-être... Eh, hey, Pildar, tu gères un peu là où je perds le con? Mais quoi, je gère, je dis rien. Non, tu gères rien pour l'instant. Puis tout à l'heure, je t'appelle pour les caméras. Pour revenir au débat, il y a Area sur IRC qui te demande si tu connais personnellement une prostituée. Non, pas du tout. C'est Sandy? Qui c'est qui vient de dire ça? Ça, c'est une meuf, hein, je l'ai entendu. C'est qui vient de dire ça entre Sunny Z Twingo ou. L'œil de rose. Ou Petit Suisse? Et le hasard, tu t'en fous, il est au hasard. Je te préviens, Fildar. Ouais. Troisième édition. Ouais. Si bon, ça recommence à parler de Sandy, tu me vires ou Sonisette ou Tingo, je cherche pas à qui savoir. Allez, oh. Ok, ça, d'accord. J'ai trop de respect pour cette profession. Ok, alors je te signale, t'as intérêt de te réveiller quand je te parle, parce que tout à l'heure, tu as morflé. Que pensez-vous des tarifs selon ce que vous voulez faire? On va demander à Barracuda. Allô? Barracuda, vas-y, réponds. Barracuda! Bon, allez, hop, terminé pour Barracuda. Il est là, il est là! Attends, Léo! Tu m'écoutes? Il est où, Michel? Il est au pute! Allô, Gérard? Barracuda, tu réponds, s'il te plaît? Ouais, je te disais, moi j'ai une carte d'abonnement. Donc j'ai souscrit à la carte Tepu, j'ai droit à une fellation gratuite pour 3 sodomies achetées. D'accord. Et ça vaut relativement le coup, ça marche aussi à Paris, dans tous les coins, c'est intéressant. D'accord, grosse Bertha. Alors moi mes tarifs, pardon. Paris entre. Bon, je sens que tout à l'heure je vais m'énerver, je vais en saquer déjà vite je fait. Je pense que les tarifs varient entre 5 et 10 000 francs sur l'avenue Foch de Paris. Alors, grosse Berthe, hein, au revoir, ça t'apprendra de préciser. Bah, attends, j'avais bien précisé de plus donner de nom. Grosse Berthe, terminé, au revoir. Il n'y a plus de pute, avenue Foch. C'est terminé, ça, hein, Gérard. C'est incroyable. Terminé pour grosse Berthe. Okay. Sanisette. Oui. Eh ben, en fait, donc moi je te disais, hein, je pratique à l'occasion pour arrondir mes fins de mois. Et en général, bah, les tarifs, ça dépend des putes. Ça dépend de ce qu'elles font aussi. Et moi, en général, je demande pas mal, quoi. Salope. Toi, le salaud, tu vas fermer ta gueule. Alors, je t'explique pourquoi je demande pas mal. Honnêtement, en toute franchise, moi j'aime la bite. Donc forcément, je me donne à fond. Et donc forcément, on revient me voir très souvent. Et donc forcément, j'augmente mes tarifs. D'accord. Gérard. Il y a Yopi sur IRC qui te demande si tu connais la différence entre une pute et une pizza. Non, mais ça, ben, c'est quoi? La pizza, tu peux l'avoir sans champignons. D'accord. Twingo. Oui, c'est dégueulasse. Pas de marque. Twingo. Oui. Moi, je suis prostituée de profession, mais je fais pas n'importe quoi non plus. Donc, la pipe à 100 balles, c'est même pas la peine d'y penser. Moi, mes tarifs commencent à 10 000 et en fait, je fais 5-6 passes dans le mois. D'accord. Pour vivre. Okay. Petit Suisse. Ouais, moi, j'ai des tickets Sodo. Donc, j'ai des promotions sur les Sodo. Je rappelle que je ne prends pas les tickets. Non mais attends, Twingo, parce que petit Suisse, je crois qu'il a pas tellement compris la question, lui. Si, j'ai des tickets Sodo pour avoir des réductions sur les tarifs. Non mais que pensez-vous des tarifs selon ce que vous voulez faire, abruti? Ah bah, je pense que c'est clair, quoi. C'est bien, hein. D'accord. On je pense. Des réductions comme ça. Non mais je crois que pour l'instant vous avez, je pense que vous déconnez là, à ce tour-ci. Non. Non, presque pas. C'est pas le genre de la maison. Non, non, pas du tout. C'est pas le genre de la maison. Non, presque pas. Tu qu'on se marrait. Ouais, c'est bon, ça. Gérard, tais-toi. Écoute-moi. On accueille à la attends, place. Attends, de... tu fermes ta gueule. Toi. On accueille à la place de Monsieur Claude qui est parti se coucher. Que de velours. Et à la place de Monsieur Claude. La grosse Bertha, je cherche encore. Attends, c'est pas évident à trouver. C'est qui? Que de velours. Ok. Bonsoir. Bonsoir. Alors, petit Suisse, t'as répondu, toi. Ouais. Alors, donc, que de velours pour toi. Excuse-moi, je me faisais une queue. Ouais, salut. Ah, d'accord. Ah. Je pense que tout à l'heure, tu as retourné d'où tu viens. Fais gaffe, que je te sperme pas dessus, quand même. Ouais, ben, moi, je te dis fais gaffe, parce que tout à l'heure, tu as retourné d'où tu viens. Alexandria fait son œil. Bonsoir. Alors, Sanisette, c'est terminé pour toi. Au revoir. Hop. Voilà. Bonne nuit pour elle. Terminé, ça y apprendra de parler de son nez. Ok, je la remets. Inadmissible. Je te dis de la gerber. Et tu fais ton boulot correctement avant que je t'éclate. Bon. Ok. Que de velours, là, pareil. Que de velours pour toi. Pour moi, quoi? Que pensez-vous des tarifs selon ce que vous voulez faire? C'est la dernière fois que je répète la question, parce que vous commencez à me les gonfler, là, sur le deuxième débat. Les tarifs sont variés en fonction de Paris ou la province. Moi, j'ai souvenir d'une époque, je t'écoute depuis très longtemps, où apparemment, pour 1200 francs, on pouvait avoir une sodomie plus un breakfast. Oui. Tu vois, ça fait rire les autres abrutis derrière, mais tu veux dire ça pour qui? Ah, c'est vieux. Bah, pour toi, je me souviens qu'à une époque, il y avait des tarifs, c'était 50 francs la pipe et 1200 francs pour un breakfast. À mon avis, t'es vachement au courant de cette publicité, donc je me demande si c'est pas... Il y a deux ans, espèce de con. Espèce de con, je t'emmerde, alors tu dégages, que de velours. Merci. Voilà. Ah, j'aurais bien mis un coup de langue à queue de velours. Bon, Gérard, on a des nouveaux, on a Keketos. Ouais. Non, mais tu me refais une fiche. À chaque fois, tu me fais le coup, tu sais pas écrire ou quoi? Non, mais tu te démerdes, tu me. Bonjour, Gugus, c'est Keketos. Alors. Il est où, Michel? Je sens que Fildar, tout à l'heure, avant la troisième question, je vais te mettre une gaufre. Ouais. Mais tu as ton souvenir, toi. Chocolat chantilly pour moi. Ouais, ouais. Tiens, banane chocolat. Bon, une question IRC, non? Oui, si tu veux. Alors, est-ce que la carte Imagine Air peut servir pour les putes? Non. Moi, j'ai une question pour les mecs de l'internet. Gringo, tu peux me trouver un site sur Jacques Vabre? Alors toi, je vais te dire une chose, que si t'as un truc à demander à Rigaud pour le site internet comme ça, tu fais le 01 40 521 521. Pas de problème. Voilà, comme ça, tu seras tout de suite renseigné. Merci Gérard. Vous pouvez toujours, bien sûr, laisser des messages sur le répondeur, j'avais oublié de préciser. Donc... Allô? Allô? Croyez-vous? Allô? Allô? Allô? C'est bon, ça marche. Ah, c'est bon. Bon, ça y est, vous avez fini là vos conneries? Ouais, c'est bon. Alors, croyez-vous qu'il faut laisser ouvert les maisons closes? On va demander ça à Barracuda. Non, elles sont fermées. Fildar, tu cherches des ans et tu fermes ta gueule pour la deuxième fois. Ok? Gérard, sur IRC, on me dit que si une maison est close, elle peut pas être ouverte, quoi. Ouais, mais il y en a qui seront ouvertes ou fermées, mais je pense que les trois quarts maintenant sont fermés. On va demander à Barracuda. Ouais. Jingle. Quoi, Gérard? Il a pris le Goldorak en plastique et il jamais un fulgurant sur Manu. Gérard, on fait de la radio, merci. Et donc, à la place de Sanizette, on accueille Bermuda. Non, mais tu me fais une fiche pour être Oui, je suis en train. Et à la place de queue de velours, on accueille Anus en Sky. Bonsoir. Alors, salut à tous ceux qui viennent de nous revenir. Alors, Barracuda pour toi. Pour revenir au débat, il y a Turpentine qui te demande, Gérard, vu que tu parles de maison close, est-ce qu'il y a des immeubles clos? Non, pas à ma connaissance. Ouais, c'est Barracuda. Ouais. Ouais, je voudrais encore mon jingle un coup là. Non, tu réponds à la question s'il te plaît. Bon, d'accord. Ce que je te propose, c'est un compromis en fait, les maisons closes. Allô? Tu les laisses entre ouvertes. Allô? Et quand vous aurez fini vos conneries, vous nous le direz? Allô, Michel. Alors, Barracuda. Ouais, tu m'écoutes là, tu m'entends? Je t'écoute. Allô? Ok, donc je te disais. Allô? Allô? Allô? On n'entend plus Gérard là. Allô? Gérard? Allô? Allô? Ah, c'est fini là! Ouais, c'est peut-être le micro. Allô? Allô? Et les auditeurs, vous m'entendez là? Allô? Ouais, on t'entend, ouais. Ah, moi, on m'entend. Tranquille. Manu! Allô? Non, Gérard, mais c'est pas moi, j'ai rien fait, ils sont là, regarde. Et moi, vous m'entendez pas, moi? Barracuda! Attendez. Allô? Allô? Allô? Hey, vous me faites quoi là ce soir? Mais je sais pas, mais là ça vient pas de nous. Allô? Touche derrière ton micro. Allô? Voilà, vous l'entendez là? Vous l'entendez Gérard maintenant? Bon. Barracuda! Voilà. Ouais, c'est la troisième fois. Barracuda, oui, c'est la troisième fois que je pose la question. Okay. Que je te fais appeler. Donc c'est Barracuda de l'agence Tourisque. Ce que je voulais dire, c'est que je te propose un compromis. Donc les maisons closes, au lieu de les ouvrir, tu les laisses juste entre ouvertes. Ça suffira quoi, je pense. Ouais, ok. Kekatos. Ils vont se faufiler. Ouais, d'accord. Kekatos. Ouais, moi les maisons closes, je trouve ça abominable. Et je trouve qu'on devrait tous les fermer. C'est horrible. D'accord. C'est abominable. Bernuda. Ouais, moi je trouve qu'il faut les laisser ouvertes, c'est vachement excitant comme truc et tout. Ouais, mais Lyon. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Gérard? Moi, personnellement, j'en ai rien à foutre qu'elle soit fermée ou ouverte, j'en ai rien à foutre, c'est pas mon problème. À ce propos, Gérard, il y a Yopi sur IRC. Derrière, oui, merci. S'il vous plaît, derrière, merci. Il y a Yopi sur IRC qui te demande s'il faut une clé pour rentrer dans les maisons. Non. Bah, pour ouvrir la porte. Bah, non, mais c'est les personnes qu'ils ont avec eux. Non, il faut une passe. Fildar, tu t'écrases, s'il te plaît, merci. On m'a dit que c'était plusieurs euros. Il y a Anus en Sky qui a pas. Twingo. Je me posais une question. Qui? C'est Bermuda. Oui. Ouais, j'aurais voulu savoir, si je travaillais dans une maison close, tu serais susceptible de passer? Non. Pourquoi? Parce que j'ai déjà ce qu'il me faut, j'ai trouvé ma. Ta gueule, toi, va te faire enculer, toi, connard. Alors, qui c'est qui vient de. Ah, c'est pas moi. Ah, c'est pas moi. Hein. C'est pas moi. C'est Barracuda. C'est pas moi. C'est Barracuda, qu'est-ce que tu. Député. Ah, j'ai rien dit. Je crois que c'est l'animal. Non, c'était moi. C'est pas la zig de Manimal. C'est Zobby de Lépreux, c'est moi. Je fonds dans la bouche. Je vais essayer de le trouver, Gérard. Continue. Je sens que vous commencez déjà à foutre la merde. Ouais. Troisième question, je sens qu'on va changer les auditeurs. Bon, j'ai pas répondu, moi. On va demander à Twingo. Oui. De Marc. Oui. Moi, j'ai commencé ma carrière dans ce genre d'établissement. C'était mignon, il y avait des nains de jardin dans la cour et tout. Mais elle a fermé et je me suis retrouvée à la rue. Donc, il a fallu que je me débrouille par mes propres moyens. Donc, au début, c'était un peu dur parce que j'habitais dans une petite chambre de bonne. J'avais juste un petit lavabo de merde. Okay. Vois. Et puis, je me suis dit, ça s'emballe. Et puis, je me suis dit, mais attends, les filles... tu prennes ta vie en main. Carrément. Faut que t'assures, quoi. D'accord. Là, j'ai... Attends, Twingo. Oui? Twingo, 5 minutes. Celui qui s'amuse à jacter lorsque la personne parle va virer, mais vite. Je vais pas chercher. Gérard, pour revenir dans le thème du débat, il y a Davy One, encore lui. Non, s'il vous plaît. Il y a Davy One sur l'IRC qui te demande s'il faut payer un supplément à la prostituée si on veut qu'elle nous mette un coton-tige. Qu'est-ce qu'elle touche, Gérard? qu'est-ce qu'il fait là? Oh là là, il a tout cassé. T'as même pas entendu ma question. Non, parce que j'étais en train de regarder ce qu'il était en train de faire, Manu, à l'arrêt, en train de faire des conneries. Je répète. C'est lourd ça. Si t'es pas content, tu dégages, toi. Il y a Davy One qui te demande le prix d'un supplément pour une prostituée quand tu veux qu'elle te mette un coton-tige. Ah, j'y répondrai pas du tout, comme ça va aller clair et c'est vite répondu à sa question à celui-là. Ah, c'est vite répondu, c'est ça. Ouais. Non, mais on va demander à Anus Ancelet. Ouais. En Skype, pardon. Ouais. Concernant les maisons closes, nous on a eu des problèmes, c'est qu'on. Moi j'ai travaillé pour une maison close qui a bien marché dans les années 70. Ouais. Et le problème qu'on a eu, c'est qu'on a eu effectivement une prostituée qui s'est échappée. Ouais, alors. Non, mais on la recherche aujourd'hui, on croit qu'elle traîne du côté de Suresnes. Alors, Anus en Sky, terminé pour toi, au revoir. Attends. Terminé pour toi, c'est fini. Elle s'appelait Christine et. Eh ben, tu dégages, allez hop, tu me le vires. Terminé pour lui. Il a pas dit qu'elle était grosse. Petit Suisse pour finir. Ouais, donc moi je trouve ça inadmissible, carrément, les maisons closes. Surtout que moi, la pute que je fréquente, elle s'appelle Pupute. Et moi j'aimais bien quand elle faisait les journées cuisses ouvertes. D'accord, là, c'est pas mal. Moi, je pense que, à mon avis, comme vous êtes en train de vouloir faire, s'il te plaît, tu me laisses parler, s'il ta te copine, plaît. Comment elle est Attends, merde, ma copine. Tu vois, c'est clair, net et précis, ce coup-là. Hein? Tu vois, attends, merde, et à te chier dans la gueule. Non. Alors maintenant, celui qui s'amuse à déconner avec ça, va dégager quoi, tout de suite. Ouais, c'est n'importe quoi. Hein? Alors parce que ça commence à bien faire. Alors, Fildar, tu vas faire ton boulot correctement et tu vas fermer. Ton micro, c'est pas évident de chier dans la gueule. Hein. Ouais, ben toi, tu. Gérard, on a perdu environ 500 personnes quand t'as parlé de ce catalogue. Ah ouais, non, c'est une honte. C'est dégueulasse. Oh là là, c'est vraiment de la merde ton débat. Hein. Aucun respect. Mais Gérard, viens t'asseoir, il a rien fait, Fildar, lui t'as pas dessus. Tu as le permis le micro, je te préviens, toi. Donc, quatrième question. Oh là là. Celui qui s'appelait pas, il peut raccrocher, on prend d'autres personnes. Hein, parce qu'il y a du monde derrière qui attend. Allô, j'attends devant chez toi, Gérard. Allez. Vas-y, pose la question, Gérard. Faut-il se produire il va se taire, lui, là. Avec ses anneaux. Alors, faut-il se prostituer pour avoir du boulot? Et on va s'écouter. Qui de quoi avec une scie pour se raser les boules. Ok. C'est clair. Parce que le prochain, tu dégages. Ça, c'est une merde. Vous venez d'écouter Guy Dubois avec une scie pour raser les boules et vous pouvez toujours nous appeler au 0870-5000 et 0803-08-5000. Toujours l'IRC www.funradio et donc on attend vos questions sur le débat sur la prostitution. Donc on va récupérer pour ça Barracuda en espérant que vous vous êtes calmé durant ce disque. Ouais, je suis là, j'aimerais bien entendre mon jingle. Ah, bon, Manu, il faut Manu. Oui. C'est plus la peine de le passer quand il te le demande, parce que sinon il va gerber, lui. Parce que ça commence à m'énerver. Ah, ouais, tu es Kétos, tu t'écrases. Pour l'instant, je récupère tous ceux qui étaient là. Ok, Hannibal. Ok. Merci. Bon, alors, Barracuda, t'es toujours là? Toujours présent, avec mes chiens en or. Tu es Kétos? Oh putain, j'ai la gueule. Toujours là. Bernuda? Ah oui. Bingo. Ça chauffe. Oh, tu te calmes, Bernuda, s'il te plaît, merci. Bon, Fildar, soit tu me les calmes, ou soit tu me prends d'autres personnes, parce que ça commence à gonfler. Oh, les nanas, elles sont chaudes, là. Ça commence à me gonfler. T'as un client? C'est pas dirigeable, hein. Alors, Twingo, toujours là. Gérard, est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît? Oui, mais on va finir. Twingo, toujours là. Toujours là. Et Petit Suisse. Ouais, salut. À la place d'Anus en Sky, on accueille Fleur de Lotus. Bonsoir. Je te préviens, n'essaye pas de les repasser sur d'autres noms, je t'ai dit. Non. Fleur de Lotus. Lotus. Donc, salut à toi. Salut à toi. Alors, faut-il se prostituer pour avoir du boulot? Voilà la question qu'on demandait sur l'IRC. Donc, on va demander à Barracuda. Non, ils n'ont jamais demandé ça. Ben, je répète ta question comme tu me l'as demandé. Donc, Barracuda, tu réponds, s'il te plaît. C'était sur l'armée tout à l'heure. Tu m'entends, là? Oui, je t'écoute. Ok, je te disais, objectivement, dans la vie, si t'as une sale gueule et que tu peux rien faire d'autre, moi, je crois que, ouais, vaut mieux, hein. Ok. Donc, pour toi, faut mieux avoir une sale gueule et puis se prostituer. Bah, écoute, si t'as pas le choix et que t'es obligé de vivre à la sueur de tes fesses, bah, écoute, faut assumer, quoi, hein. Mm-hmm. Je pense que d'autres sont passés par là avant, n'est-ce pas? Ok. Ouais. Kékatos? Non, je pense pas que ce soit un vrai métier, quand même. Mm-hmm. Prostituer. Mais c'est bien pratique. D'accord. N'est-ce pas? Oui, je t'écoute. Non, j'ai dit n'est-ce pas. D'accord. C'est une question à bonne encontre. Bernula. Bah écoute, moi, plus ça chauffe entre mes fesses, c'est mieux c'est, quoi. Bah écoute, tu me dises ton number. Ça commence à bien faire, là. Vous allez vous calmer avec les gens quand ils parlent, ok? Mais c'est que des cochons, GG. Ouais, bah, tu t'écrases, toi. Wendo. Oui. Pourquoi? Bah moi, c'est un vrai métier, donc je peux pas me permettre de dire que plus ça chauffe, je chauffe. Mais bon, c'est vrai, hein, j'adore le cul, mais bon. Toi, t'es plus trop foulé, toi. Moi, non, mais c'est un vrai métier, donc moi, je fais ça très sérieusement. Très sérieusement. D'accord. Toi, tu déclares pas tout à tes impôts. Exactement, je le fais payer en liquide. Attends, GG, toi, tu fais du black. Moi, je veux bien te payer en nature. Vous précisez vos noms quand vous voulez parler. GG, ouais, c'est Barracuda. Oui. Ouais, je voulais savoir si c'est un vrai travail. Il y a quoi? Il y a des acédiques pour les putes, il y a une retraite pour les putes, tout ça, tu cotises sur tes putes. Les prostituées payent une retraite, tout à fait. À quoi? Où c'est que tu cotises? À la banque du foot? En fait, non, tu as une assurance personnelle. Est-ce qu'on touche chez sodomisation sociale? Oh oui! C'est remboursé à 80%. Est-ce que t'as un compte épargne à la banque du sperme? Ouais, celui qui s'amuse. Je vais faire des dépôts et des retraits. Assez souvent. Alors, petit Suisse pour toi. Ouais, ben moi j'en profite parce que en tant que client, quoi, mais bon, si elles veulent faire ça, quoi, qu'elles continuent. Donc c'est tout ce que t'as à dire. Ouais. Ok, fleur de lotus. Bah écoute, moi je me prostituerai avec grand plaisir, mais je trouve ça un peu dégradant. Et ça ne m'empêche pas du tout d'aller aux putes sans problème, sans a priori aucun. On chez en les putes. Chez les putes. Ouais, on va chez les putes au cul. Au cul, ok, d'accord. Au cul. Et chez le coiffeur, on fait quoi? Voilà, ok. Alors moi, je peux vous dire une chose, que celui qui veut faire son boulot comme ça, ben, tant pis. Hein. Tu le ferais toi? Non, Gérard. Personnellement, non. Fildar, si ça te dérange pas, tu... Non, mais il est parti chercher un truc, c'est pas grave. Par contre, moi, j'ai un petit sondage qui est bien, par contre, là. À la question... Non, rigolez pas. À la question, êtes-vous déjà allé voir une prostituée? 25% des gens... Ils sont allés avec leurs femmes, 35% ils sont allés avec leurs enfants, et 40% ont demandé, mais aller un prostituée, qui? N'importe quoi. N'importe quoi, Manu. Ça y est, là, vous calmez un petit peu, là. On se calme, l'Ascar est en mire, toi, d'accord? C'est à moi qui parlais, vas-y, Gérard. Alors, cinquième question, pourquoi que les jeunes se mettent à la prostitution? On va demander à Fleur de Lotus. Pourquoi que les jeunes se mettent à la prostitution? Bah écoute, la prostitution, c'est le chemin le plus facile pour gagner de l'argent. Quand tu vois que, je sais pas, il y a des jeunes qui veulent être cadres, c'est bac plus 2. Alors que pute, tu te mets sur le trottoir, tu casses les cuisses et c'est parti. Alors, je vais te dire une chose que... Bite plus 2. Ouais, bite dans le cul, ouais. Voilà. Bon. Plutôt bite que française. Petit Suisse. Bien, comment je fais maintenant, moi? Il n'y a plus personne au standard. C'est bien, quoi. Gérard, sur IRC, il y a un réa qui te demande s'il y a des réductions pour les prostituées après 19h comme France Télécom. Non, je vois pas de réduction. Après 22h. Alors, petit Suisse. Moi, je connais. Une pute, c'est un franc la minute. Tu viens de couper, petit Suisse. Bah ben, tu prends quelqu'un d'autre et c'est tout. Alors, on va demander à Twingo. Oui. Bah, pas de marque, Gérard, faut arrêter là. Bah, elle a qu'à prendre un autre nom qu'une marque de voiture, c'est tout. Appelle-toi Kyo, ça sera plus. Kito. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, moi j'ai choisi d'être prostituée parce que j'avais envie de travailler dans la rue. Donc c'était ça ou pervenche. Donc mettre des PV, c'est pas trop mon truc. Donc j'ai choisi prostituée. Et tu préfères te faire la chance, t'aurais pu être pervenche. Oui, j'ai eu de la chance, ouais. Et tu sais, il y en a, elles sont trop moches pour faire pute, donc elles font. Bernuda. Moi j'ai commencé à faire ça à l'âge de 18 ans. J'en ai 21 et je m'aperçois en fait avec les années qui passent que plus j'en ai eu et plus j'en demande. Ça suffit derrière s'il vous plaît, parce que là ça commence à bien faire. Alors maintenant vous allez vous calmer, vous allez éviter de dire des cochonneries comme ça. Ok. Donc, ok, on insulte pas les salopes. J'ai juste à rajouter quelque chose. Un débat sur les putes, tu veux qu'on parle de poésie? Si ça te plaît pas, toi, tu peux raccrocher ton téléphone, ça nous prend les vacances. Je voudrais te faire un bisou, ma pute, sur le cul. Alors, Barracuda, tu dégages. C'était pas Barracuda. Sinon, à la place de Petit Suisse, on accueille Pupute. Bonsoir, Gérard. Salut. Allô. Salut. Salut, ça va? Qu'est-ce que ça peut te foutre, t'es médecin? Oh là là, quelle vulgarité. Alors, on va demander... Toi, pourquoi que les jeunes se mettent à la prostitution? Bah, qu'est-ce que j'en sais, moi. En tout cas, moi, j'ai fait la pute, hein. Bon, parce que j'avais pas d'autre moyen de gagner de l'argent. Puis j'adore les grosses secs. Ok. Ah, c'est comme moi. Kekatos. Donc, excuse-moi. Non, je pense que les jeunes qui se mettent à la prostitution, c'est pas vrai. Il y a beaucoup plus de vieilles mamies toutes pas belles qui prennent un fric fou et je comprends pas pourquoi d'ailleurs. C'est faux, c'est faux. Mais si, c'est vrai. Non. Bon, plus tard, tu t'écrases pour l'instant. Non, attends, je donnerai mes réactions moi-même. Moi, je connais Ginette qui est avenue Bip et elle, voilà quoi. Eh ben, un coup là pour finir. Ok. Bon, Manu, ça suffit. J'aime bien ce zik. Ouais, mais moi, j'en ai ras-le-bol. Vous avez idée de gâcher le débat ou quoi, Gérard, ce soir? Gérard, j'ai un sondage qu'on m'a rapporté sur Internet par Kevin Klein. Alors, quel moyen de paiement utilisez-vous? Ouais, mais... Ah mais tu gueules, Lui, il pousse sa merde avec à cause de Barracuda. L'autre qui fait la moitié du boulot. Salut Gérard. Pour l'instant, il y a Crigo. Eh ouais, avec moi. C'est abominable. Oh, vous fermez vos gueules maintenant. Donc j'ai un sondage, vite fait. Quels sont les moyens de paiement que vous utilisez lorsque vous allez voir une prostituée? 55% utilisent la carte bleue, 12% la carte jeune et 15% la carte routière. Non, bah ça, normalement, les cartes jeunes et cartes routières, ça passe pas. Bon. Oh, il y en a. Hey, vous avez commencé par vous calmer maintenant. Ouais, Maintenant, ça va un coup là de réagir. Ok, bah alors moi je voulais dire déjà que les putes, moi je paye en liquide. Déjà, c'est clair. Deuxièmement, je suis tout à fait d'accord, il y a beaucoup de vieilles qui se prostituent et je sais pas si tu t'es déjà fait suspendre. Attends, excuse-moi. Une seconde, Barracuda. Non, Barracuda. Oui. Bon, Manu, ouais. C'est la dernière fois que tu me mets ça. Bon, Barracuda, tu dégages. Manu. Barracuda, terminé pour lui, ça répondra. T'es futé. Allez, hop. Et Manu, t'arrêtes, c'est le top. C'est des loopings aussi, non? Parce que je vais chercher un cigare. Je sens que tout à l'heure, je vais rester avec Twingo et Bernuda. Les autres, vous allez dégager. C'est celui-là, MacGyver. Et pute, tu vas pas nécessiter de tomber. Bon, je sais pas si on est prostitué, alors j'aimerais bien qu'on suive un peu le débat et qu'on arrête de délirer. Ouais, ben toi, le premier, tu fais ton boulot correctement. Attends, je te défends, merde. Ouais, non, mais tu vas me chercher une autre personne qui a un coup vite fait. Tu te démerdes, il y a des lignes qui sonnent. Alors donc, qui c'est qui a pas répondu? Tout le monde a répondu? Non, j'ai pas répondu, moi, Gérard. Qui? Mais putain. Non, t'as déjà répondu, je t'ai passé en premier. Première. Ouais. Alors donc, je peux vous dire une chose, qu'il y a beaucoup de jeunes qui se mettent à la prostitution maintenant, on sait pas pourquoi. Ça, faudrait voir, parce que c'est quand même inadmissible d'avoir des jeunes qui s'y mettent aussi maintenant. T'as pas fait de recherche, Gérard, sur ce sujet? Tu sais pas pourquoi, toi? T'as bien une petite idée, ça vient d'où? Bah, s'ils ont envie de se prostituer, c'est leur problème, c'est pas le mien, hein, personnellement. Hein. Moi, là-dessus, j'irai pas me foutre à la prostitution comme ça. Hein. C'est-à-dire? Voilà. Habillé comme ça? Toi, tu cherches les gens et tu fais vite fait, toi. Alors, l'Esther d'aujourd'hui se prostitue-t-elle? On va demander à Keketos. Tu peux répéter parce que j'ai mal compris. L'Esther d'aujourd'hui se prostitue-t-elle? Mais n'importe quoi, l'Esther, elle se prostitue pas. Alors, tu peux préciser? Elles ont un max de pognon et voilà. Donc, elles n'ont pas besoin d'argent. Ben, ok. Mais, ailleurs, elles peuvent le faire gratuitement. Moi, ouais, mais ça m'étonnerait. Moi, je sais que la dernière fois, je me suis tapé Pamela Anderson. Bon, le seul truc qui m'a repoussé, c'est ses pieds. Mais sinon, elle m'a pas demandé d'argent. Enfin, j'ai pas alerté à Malibu comme zik. Non, mais Manu, t'arrêtes un peu tes conneries, s'il te plaît. Ok. La prochaine fois, je m'appelle Mitch. Ouais, ben, la prochaine fois, tu vas t'appeler Ferme ta gueule maintenant. Pas de problème. Ok, Bernuda. Sur quelle chaîne? Ouais, ben, moi, j'ai déjà eu des clients, effectivement, des stars. Et il y a eu des politiciens également, c'était Jean-Marie Le Pen. Bernuda. Pas de marque. Tu vas te calmer avec des conneries comme ça, d'accord? Parce que sinon tu vas dégager. Pas d'insulte. Je dis plus de nom alors, mais enfin je voulais quand même que tu saches que le monde des stars c'est quand même un monde très très vicieux et que en fait vous seriez bien surpris des genres de personnalités qui viennent vous voir et surtout ce qui vous demande quoi. Exact. Mmh. Ah ouais. Moi je me suis déjà pris entre autres donc des cotons-tiges mais j'ai pas eu que ça quoi. Je veux dire c'est quand même affolant. Des gens de la radio ou pas? Des gens de la radio? On peut pas donner de nom. Moi, je suis sûr que tu t'es déjà tapé. Twingo, Keketos, tu t'écrases. Excuse-moi. Tu dis par exemple le prénom et le nom, genre Sam, Z, tout ouais, comme ça. Alors, Keketos, terminé pour toi, au revoir. Allez, hop. C'est pas Keketos, je l'avais viré, je vais gérer. Sinon, à la place de Barracuda, on accueille Giclette. Bonsoir. Non, là, je vais te dire une chose, que si c'est les mêmes... Mais non. Garde, attends. J'ai pris 25 lignes, là, au moins. Ouais. Ben, dis donc. 25 lignes. Alors, on va demander à Fleur de Lotus. Non, Twingo, t'as pas répondu. Non, j'ai pas répondu. Je suis d'accord avec ce que disait Bermuda. Arrête, ça m'excite. Je suis d'accord avec ce que disait. Les stars sont des putes dans le sens où, bah oui, ils viennent pas pour venir nous voir, quoi. Mm-hmm. Mais c'est des gens qui payent et qui payent bien. D'accord. Je peux te donner quelques exemples, sans trop te donner de nom, mais j'ai dû fouetter un comique, un petit comique sans cheveux. Tu vois, qui a une drôle de tête, je l'ai fouetté pendant 3 heures. Quoi. D'accord. Ok. Fleur de Lotus. Il me semble que certaines stars de la télé se prostituent. Certaines stars de la télé, des animatrices. Et de la radio. Qui couchent avec des producteurs. Mm-hmm. Et ça, je dirais pas de nom, mais je le sais. Mm. Et personne ne me le fera avouer. Ok. C'est qui ? À la suite de ton plein gré. Pute. Excuse-moi, j'étais en train de sucer. Oui, donc moi je pense qu'il y a, il y a des stars qui doivent se prostituer, oui c'est possible, pour se faire encore plus d'argent. Mm-hmm. Mais c'est tout ce que tu peux préciser, toi. Bah attends, je suis en train de pomper, j'ai pas que ça à faire, non. Bon alors dans ce cas-là, t'as pas que ça à faire, bah continue à pomper, au revoir. Allez. Allez hop. Et Giclette. Ouais déjà, bonsoir Gérard. Bonsoir. Giclette, j'en ai une. Et je vais te dire que déjà les stars ils vont pas voir des putes, ils vont voir des gold girls comme on dit. Et je pense que des gold girls t'en connais. Tu peux préciser on va pas donner de nom Gérard. Non mais tu peux préciser. Tu veux que je donne des noms? Non mais on va pas parler des stars de cinéma hein. Voilà, on va pas quand même, c'est leur vie privée, on va pas être paparazzi quoi. Moi je peux vous dire une chose que à ma connaissance personnellement j'ai jamais vu de stars qui se mettaient à la prostitution. Ah donc, non, j'ai jamais vu ça encore. Hein. Ça m'étonnerait qu'il y en aille qui le fasse. Hein. Non, mais Gérine, elle fait plus de films bien et tout, elle a plus de reconnaissance, elle est plus célèbre. Elle peut tomber dans la prostitution. Ça on sait pas. Rigo, oui. Oui, donc, sur IRC, on me demande à propos des stars. Est-ce que les stars du X, on peut les considérer comme des prostituées? Ben, t'en as certaines qui le font tout en faisant des films de X. Hein. Donc je pense que si ils choisissent de faire ce boulot-là, c'est que c'est vraiment eux qu'on choisit, c'est pas nous. La prostitution ou les films X? Les deux, hein. S'ils se mettent dans le X, ils font de la prostitution quand même. Donc c'est la même chose. Voilà. Donc justement, dans la sixième, ben ça y est, on vient de la perdre. Septième. Avant, je voudrais m'adresser aux gens du standard. Est-ce que c'est possible d'avoir une invitée mystère qui aurait fait pute? Ah ouais. Ah, ça serait sympa, ça. Alors, je préviens. Qui s'amuse à demander ça? Fleur de Lotus. Alors, Fleur de Lotus, tu dégages. Hop. Voilà. Comme ça, c'est public. Allez, hop. Alors, septième question. Y a-t-il plus de femmes que d'hommes qui se prostituent? On va demander à Bernula. Honnêtement, j'en sais rien parce que dans le quartier où je bosse, il n'y a que des nanas. Mais je suis persuadée qu'il y a autant de mecs que de nanas qui se prostituent. Quoi. Mmh. Non, mais je te demande est-ce qu'il y en a plus ou moins? Bah, je viens de te répondre, faut te déboucher les oreilles, je dis qu'il y en avait autant. D'accord. Twingo? Il y en a un peu moins quand il y a un peu moins de mecs, enfin de moi dans mon secteur. Mais il arrive qu'on fasse des trucs ensemble pour un client. Quoi. Mmh. Okay. Celui qui s'amuse à faire du bordel avec son téléphone est prié d'arrêter tout de suite. Inadmissible. Ah, ok. C'est alors, qui c'est qui nous reste? Kékétos. Giclette. Non, je crois que Kékétos, je t'avais dit de dégager. Non, pas lui, Gérard. Alors, si tu veux répondre. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup plus de filles qui se prostituent. Ouais, mais s'il y a plus de femmes que d'hommes. Il y a plus de femmes que d'hommes qui se prostituent. Ouais, ceux qui se marrent comme un bouc, là, elle va se calmer. Enlève tes cotons-tiges des oreilles. Oh là. Bernuda, tu vas te calmer parce que tout à l'heure, tu vas dégager. Ouais, c'est pas moi. Allez, si. Gérard, je peux répondre. Ouais. C'est ma croix, la moutarde. Tu sors d'où, toi? J'ai remplacé Pupute temporairement. Non, Pupute. Non, Pupute, on l'avait viré, j'ai oublié de te le dire, excuse-moi, c'est ma croix, là. Ouais, non, mais attends, Fildard. T'es prié de faire ton boulot correctement. Mais oui, mais c'est la dernière semaine que tu fais les débats. Jean-Luc. J'étais dans les 24 lignes, là. Je pouvais pas tout faire. Gérard. Oh, ça y est, ça scanne derrière vous. Je vous jure tout le monde. Gérard, pour revenir au débat, voilà, comme allait dire Manu, il y a Rocco sur IRC qui te demande si le téléphone rose est considéré comme une forme de prostitution. Bah justement, là, on va en parler tout à l'heure. Par contre, moi, Gérard, j'ai un petit sondage. Donc il y a la question, combien donneriez-vous à une pute? Donc 32% donneraient 2 euros, 28% donneraient leurs animaux domestiques et 40% donneraient leur approbation et 1% ont déjà donné leurs dents et n'ont pas voulu donner leur moustache. Alors, je veux dire une chose, soit tes trucs de merde, là, ouais. Ton sondage, ouais. C'est à peu près le même sondage que le premier. Alors, c'est même plus la peine de... T'as pas remarqué, moi. Non, t'as pas remarqué, non, mais pour l'instant, t'es à moitié bouché. T'es aveugle. Ouais, ça se voit que dimanche, tu vas te fiancer, parce que dis donc, t'es en train de foutre ta merde aujourd'hui. Ouais. La semaine dernière, tu faisais du bon boulot, cette semaine, tu merdes. T'es comme cul d'art. Bon, allez, vous fermez, maintenant, vous allez fermer vos gueules. Bon, je sens qu'on va virer tout le monde. Macron à la moutarde, je peux répondre. Vas-y. Ouais, moi, je pense qu'il y a autant de putes au féminin qu'au masculin, mais des masculins, il en faut. Mais c'est tout ? Bah ouais. C'est bon, c'est vrai. Giclette ? Je pense qu'il y a quand même vachement plus de femmes que d'hommes qui se prostituent. T'as qu'à voir les deux grosses salopes qu'on a là au téléphone. Ça explique pas mal de choses quand même. Moi, j'aime la bière, mais pas là. Je suis désolée, je ne peux pas laisser passer ça, Gérard. Ah, vous êtes quand même des grosses chiennes, les filles. Non, je suis pas une grosse chienne. Ah, tu vois ? Ah, mais faut en être fier, hein. Ah ouais. Non, vous avez puni le... Non, on n'a pas terminé. Attends, non, je suis fière d'être prostituée de profession, mais je ne suis pas une chienne. Ah, moi, je suis une chienne. Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez régler votre merde hors antenne. Non, ça y est, c'est fini. On va s'écouter Roger le pipeau avec du soupe parce que c'est dur de péter. Et on se retrouve après en espérant que vous êtes calmés. Et voilà, donc vous êtes toujours sur Fun Radio, il est 2h26 et donc c'est toujours les débats du jeudi avec Gérard aux commandes. Donc vous venez d'écouter Roger Le Pépito avec du soufre parce que c'est dur de péter. Et vous pouvez toujours nous appeler au 0800 308 5000 et toujours lire www.funradio. Et on récupère Keketos en espérant que ça s'est calmé ce coup-là. Pas de problème, moi je suis très calme et je te kiffe, Gérard. Ok, ben bah moi je te dis merde. Ça veut dire que je t'aime bien ? Ouais, bah moi aussi, mais moi... Ok, Bermuda ? Non, Bermuda est parti, on accueille Laura Ingalls. Qui ? Laura Ingalls. Oui, alors. Bonsoir Gérard. Bon, Manu, s'il te plaît. Laura Ingalls. Non, mais tu m'arrêtes cette merde là, parce que ça m'énerve. Est-ce que t'as la musique de MacGyver ? Non. Je vous préviens, vous allez vous calmer maintenant. Donc on a toujours Twingo. Oui, on récupère Twingo qui est voilà. Là. Macro, il est parti. Macro, on a Suisson. Il est encore puceau, donc il voudra en parler et savoir à suivre pour le débat. Bonsoir puceau. Ouais, salut. Enfin, Suisson, excuse-moi. Suisson, ouais. Il est puceau. Et Giclette. Non, ouais. Giclette est toujours là. Et à la place de Fleur de Lotus qui est parti aussi, on a Pulsor. Ouais, ok. Ouais, bah c'est pas mal. Ok, donc on va reprendre le... Oui, Rigo. Oui, tout de suite, alors pour reprendre le thème du débat, il y a Access sur IRC qui te demande comment on désigne une pute au masculin. On dit un pute ou on dit quoi? Non, on dit une pute simplement, il n'y a pas de... Ah mais quand tu t'en prends un fil d'art, tu lui dis que c'est une pute, c'est... Un rappeur, on dit. Non. Toi, je vais t'attraper un de ces quatre. Celui qui s'amuse à dire ça va se calmer tout de suite, sinon il va retourner au standard et on va prendre quelqu'un d'autre. C'est ça, un gigolo, Gérard. Ok. Alors je serais bien que celui qui redit des conneries dégage maintenant. Je vais pas m'emmerder longtemps. Hein. Okay. Ouais, vas-y, Rocky. Alors, que pensez-vous de l'amour par téléphone? Donc on revient à la question qui avait été posée sur l'IRC, donc voilà. Alors, Pulsor. L'amour au téléphone? Bah, je suis pas très friand de ça en fait. Moi, non mais que pensez-vous de l'amour par téléphone? Oui, c'est ce que je dis, l'amour par téléphone, moi j'aime pas trop. Moi j'aime bien le contact moite d'une peau sur une peau. Et les étreintes ravageuses. T'es chaud toi? Ouais, je sais. Ouais, ok. Ouais, j'ai pas fini. Hein. Ouais, bah vas-y. Et sinon on m'a coupé le téléphone. Non mais attends, je vois pas du tout le rapport avec... Je peux le faire par téléphone, donc je suis obligé de le faire en chair et en os. D'accord. Keketos ? Ouais, bah moi je trouve ça naze d'avoir par téléphone. Comme disait le mec avant là. Tu le sors. Faut du contact. Ouais, non mais. T'es chaud toi aussi ? Non mais ça suffit toi, Laura. Hein. Attends, Laura, allez. Ou Twingo, vous allez vous calmer là. Cigarette ? Alors, non mais ça y est là ? Bah j'en ai plus moi. Moi, il m'en reste 10. Bon, Keketos. Ouais, bah donc, je te disais, moi, il me faut du contact, sinon, c'est pas bon. Je pense que t'es d'accord avec moi, Gérard. Oh bah moi personnellement, j'irai pas m'amuser à faire ça sur par téléphone. Hein. Mmh. Nuance, Laura. Ouais bah écoute Gérard, moi je suis encore vierge et je veux perdre ma virginité avec l'homme de ma vie. Donc pour moi faire l'amour par téléphone c'est quelque chose de vachement important parce que ça me permet de m'extérioriser. Manu, tu m'éteins ça s'il te plaît. Juste en fond. Tu m'éteins ça s'il te plaît. Manu sérieusement c'est chiant de, on peut pas bosser. Manu, tu m'éteins ça. Manu. La petite foufoune dans la prairie. Manu. Manu pour ta virginité, si tu veux, je peux te prendre ce service. Ouais, on t'attrape pas quatre. Moi, je voulais lui dire pour que pour la mort du télé... Non, mais pour l'instant, vous allez vous taire quand Manu arrêtera ses conneries avant que je me lève. Hein? Ouais. Oui, tu m'arrêtes ça, s'il te plaît. Ok. D'accord. Alors, Laura. Ouais, donc je te disais, en fait, moi, je suis encore vierge. Et je voudrais perdre ma virginité avec l'homme de ma vie. Je suis là. Je suis plus sûr, ça tombe bien. Oh, derrière, on se calme, s'il vous plaît, merci. Je suis fière d'être encore vierge, j'ai 19 ans. Et en fait, j'aime bien faire l'amour par téléphone parce que vu que je ne l'ai jamais fait... Toi, t'es chum, toi. Ça me permet en fait de voir un petit peu ce que ça fait. Puis donc, j'aime bien. Je préfère parce que je t'ai dit, je ne l'ai encore jamais fait et j'attends vraiment le bon moment. Donc pour moi, par téléphone, pour l'instant, c'est ce qui me convient le mieux. Quoi. Ok. Question, attends, 5 minutes. 5 minutes. Oh, s'il te plaît. Oui, donc il y a Rocco qui te demande est-ce qu'il peut faire l'amour par téléphone même s'il a un téléphone bleu au lieu qu'il soit rose. De toute manière, la couleur a rien à voir. Hein. Alors pourquoi rose? Parce que c'est un truc, il y a des téléphones roses, c'est des trucs, c'est des magazines qui peuvent trouver un peu partout. Non, un téléphone, c'est pas un magazine. Ouais, mais dans les magazines, t'as des numéros de téléphone et tu peux faire ça par téléphone. Alors, pourquoi, Gérard, on appelle ça des téléphones roses? Eh ben, tu demanderas à ceux qui s'amusent à en faire. C'est pas les téléphones rouges ou verts? Non, il y en a pas. Twingo. Ouais, touche. Oui. Laura, tu voulais peut-être ajouter quelque chose avant? Non, bah non, c'est pas grave. Ok. Manu, c'est la dernière fois que tu me mets ça. Tu mets à ça, s'il te plaît, tout de suite. Twingo. Oui. Moi, ça m'est arrivé de me prendre des téléphones dans des délires sadomaso. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus agréable, en fait. C'est vrai que la chaleur moite, c'est mieux que la froideur du plastique. D'accord. Giclette. Ouais, ben... même par téléphone, là, je suis en plein dedans. Et je vais t'en mettre plein la tronche. Bon, alors, Giclette, tu dégages, comme ça, t'es tranquille. Terminé pour... Manu... Attends, c'est terminé pour toi. Ouais, donc, moi, vu que je suis puceau et que j'ai pas eu le cran d'aller aux putes, je suis assez friand de ça, ouais. D'accord. C'est assez cher. En plus, je me suis fait couper la ligne par ma mère, quoi. 223 francs la minute, ça fait un peu cher. C'est excessif, oui. Voilà. Ok. Je pense que aujourd'hui, vous avez décidé de foutre votre merde. Hein, Manu et Puldar, vous avez l'intention de foutre la merde combien de temps, là, jusqu'à la fin du débat? Bah, je sais pas, ouais, encore une demi-heure. Encore une demi-heure. Ça se voit que dimanche, tu as face au pillon sec, parce que la semaine dernière, t'as fait un boulot correct. Cette semaine, tu me fous de la merde, parce que t'as Laura, tu t'amuses à me mettre des jingles pourris. T'as l'autre, qu'on lui demande quelque chose qui veut rien. Non, moi, je le fais, hein. Ouais, bah, t'as intérêt de te réveiller vite fait, toi, parce que ça va pas aller longtemps, toi. Alors, je peux vous dire que ça, ceux qui s'amusent à faire ça par téléphone, c'est vraiment qu'ils ont du fric à foutre en l'air. À propos de téléphone, Gérard, sur IRC, on me demande si avec un portable, c'est possible. Mais ça coûte aussi cher qu'une communication normale. Ah, c'est plus cher, en plus. Ça dépend des... C'est accessible. Tu peux y avoir accès facilement, oui. Pourquoi pas. Ok. Non, mais ce qui est mieux, c'est d'avoir, quand c'est comme ça, quand tu veux faire du téléphone rose avec ton portable, c'est d'avoir un forfait. Ouais, mais de toute manière, le forfait, tu te bides facilement avec non, ça. Non, mais le forfait rose. Ouais, le forfait rose. Mais ça, je sais pas si ça existe encore. Gérard, c'est Laura Ingalls. Je peux juste rajouter quelque chose? Ouais. C'est que moi, en fait, on paye pas 2,23 francs la minute, c'est qu'on m'appelle directement chez moi sur ma ligne privée. Donc, si ça intéresse quelqu'un... Ouais, tu verras ça après hors antenne avec Fildar. On va pas rester plus seulement. Non. Il y a moyen d'aller plus tard 30 minutes? Pour l'instant, on continue le débat et vous gérerez ça après hors antenne. Okay. Alors, que pensez-vous des sex-shops dans toute la France? On va demander à Pulsor. C'est quoi cette question sur la... C'est pas sur la prostitution, ça? Non, les sex-shops, c'est... Bah, ils sont pas sur la prostitution. Bah non. Bah, non. Non. Les sex-shops, non, c'est pas la prostitution. Non, parce que... Bah non, ça n'a rien à voir. Bah attends, c'est n'importe quoi. Ben, si ça te plaît pas, tu plies le bagage, tu vas voir ta copine, ok? Alors, on va demander un pulsor. Ouais, les sex shops, je connais pas trop ce milieu. Mais, bon, enfin, je peux pas, j'ai pas trop d'avis, en fait, sur les pulsors, sur les sex shops. Mais j'aime bien le rap. D'accord. Laura? Bah écoute, donc moi, comme je disais, je suis vierge, mais enfin, ça m'est déjà arrivé d'aller dans ce genre d'endroit, mais enfin, je me déguise un petit peu pour pas qu'on me reconnaisse, parce que je suis vraiment très pudique. Tu te rases? Et donc en fait je prends certains objets, c'est vrai, et je les donne à ma mère et je regarde un peu ce que mes parents font. Ok, Twingo. Oui, bah moi j'ai l'occasion, oui, souvent d'y aller, soit pour m'alimenter en film ou en gadget divers, quoi. Parce que mes clients sont demandeurs, j'enfonce souvent des godes aux clients, enfin tu vois, des choses comme ça, des menottes, des choses en cuir, des casquettes porno. D'accord. Ok, Susson. Susson. Oui. Tu travailles, s'il te plaît, parce que là, vous commencez à dormir, ça m'énerve. Ok, donc moi, j'étais routier avant, donc j'allais dans les sex shops pour m'acheter des posters pour mettre dans mon camion. Mais sinon, j'y allais très rarement, quoi. C'est bien, mais c'est routier. Hey, je vais te dire une chose, que pour l'instant, t'es en train de dire... N'importe quoi. De dire des conneries, donc je pense que pour toi, ça va être terminé. Non, ce qu'il dit, c'est vrai. Non, c'est des pervers. Donc je peux te dire une chose, que c'est faux, là t'es en train de massacrer le boulot routier. Ouais, c'est vrai. Donc t'as intérêt de te calmer avant que je te vire. Ok. Alors ceux qui sont pas contents, vous allez dégager, parce que je vais pas chercher midi à 14h maintenant. Ok. Ok. Alors tout le monde a répondu. Donc des sex shops, si ça existe, et il y en a un peu partout en France, et c'est dommage que ça existe. T'en as plein dans sur Paris. Pourquoi c'est dommage? Non, parce que je trouve que c'est dégueulasse, parce que les gens... Ouais, mais attends, t'as les mecs qui sont là et qui, dès qu'ils te voient passer, ben, ils insistent pour que tu rentres. Si t'as pas envie... Ça, c'est pas de la prostitution, ça, Gérard. Non, mais ils insistent pour aller voir ce que la nana est en train de faire, et les trois quarts du temps... Non, c'est pas une prostituée, elle bosse. Et la nana... Tu l'es ta mère. Elle va te faire sauter, toi, espèce de connard. Ta mère, c'est des ours. Ah. Hey, tu vas fermer ta gueule, toi, quand je parle. Ou sinon tu gerbes, ok? Debout, Sandy, debout, espèce de feignasse, là. Viens, le loup. Allez, hop, dégage-moi celui-là. T'es tout mousse, là. Ça va être parfait. C'est que... Donc, alors, on va... Elle est paumée, Gérard, c'est pas vrai. Non, parce qu'il y en a qui s'amusent à dire des conneries, sans que le débat, il va être terminé vite fait. Oh Gérard, on est... Toi, t'es tout mou depuis, ouais, on est... depuis minuit, il se passe rien. C'est malo. On est presque 1000 sur l'IRC. Oh là là, on en a perdu énormément, quoi. Ouais. La catastrophe. Bah ouais, mais tant pis. Bon, hein. Je veux dire, je suis désolé, on peut plus faire de débat, ça sert à rien. C'est tout. Eh bah, dans ce cas-là, on arrête, je pose même pas la 10e question et puis c'est tout. Et si, regarde, j'ai un petit sondage, peut-être, ça va t'aider. Bah oui. Donc, à la question, qu'aimez-vous chez une prostituée? 58% des gens aiment bien, 25% des gens aiment beaucoup, et 100% aiment le balcon avec les drapeaux Fun Radio, je comprends pas. Toi, c'est la dernière fois que tu t'amuses à balancer des conneries comme ça, parce que sinon je vais t'éclater ta gueule avec. Mais c'est pas moi. C'est toi qui balances des saloperies. Mais non. Alors, je te préviens, c'est la dernière fois. La semaine prochaine, tu vas dégager. Et je te le dis tout de suite. La semaine prochaine, je veux pas de toi. Maître Olivier. Alors, y a-t-il autant de prostituées et d'homo dans les autres pays que la France? On va demander à plus de sort pour terminer le débat. Oui, bah la France n'a pas le, comment dirais-je, le truc, comment je trouve pas le mot. Technopole. Voilà, tu en as vu une en Allemagne avec Titi récemment. Technopole. La France n'a pas la technopole, et les autres pays, pourquoi pas? Manu, c'est la dernière fois que tu dis des conneries aussi pour toi. Je sais quand même. C'est le pote à Gégé. Et il va en camion, il l'amène en Allemagne. Alors un peu de respect quand même. Alors, Laura. Ouais, bah tu sais, moi au départ, je suis originaire des Philippines. Et en fait, on m'a demandé, enfin, je me suis fait rapatrier en France parce qu'au début, on voulait me mettre sur le trottoir. Donc j'ai réussi à m'en sortir malgré tout. De toute manière, la question, c'est y a-t-il autant de prostituées et d'homo dans les autres pays que la France? Non, je pense pas. Justement, je te parle des Philippines. Moi, je pense pas. Aux Philippines. Pildar, tu fermes ta gueule et c'est tout. Ouais, je t'écoute, Laura. Faudrait que Pildar, il la ferme un peu, ça m'énerve. Non, mais on t'écoute, vas-y. Ouais, donc je te dis, aux Philippines, alors là, ça cartonne, mais quelque chose de grave. Parce que t'as tout, t'as même des gosses. Donc t'as des gosses, t'as des homos, t'as des... T'as des vieilles, t'as des gros. Mais ça, de toute manière, faut dire que dans ces pays-là, c'est. En fin de compte, c'est des personnes qui viennent les chercher, qui les forcent à se prostituer. C'est des personnes qui viennent les chercher, pays sous-développés là-bas, donc en fait, bon, ben, pour eux, il n'y a que le cul. Mmh. C'est parce que c'est des pays pauvres, en fait. Voilà, mmh. C'est ça. Une question, IRC, Rigo, non? Non, il y a juste Arnett qui demande à Fildar de le rappeler. Non, non, c'est plus la peine. Le débat, il va être terminé. Alors, c'est pas la peine. Hein. Ah, t'es mou. Hein. Alors, Twingo. Oui. Tout mou. Déjà, je vois pas le rapport avec les homos, excuse-moi. Mais il n'y a aucun rapport avec les homos, il est constitué. Donc, tu pourrais reformuler ta question. Ouais. Alors, y a-t-il autant de prostituées d'homos dans les autres pays que la France? Oui, ben non, je te dis qu'il n'y a aucun rapport avec les homos, quoi. Ouais, on parle pas des homos, on parle de la prostitution, là. Voilà. Tu peux être homo sans être prostituée. Hein. Voilà. Et donc, c'est ta réponse? Non, non, moi je te dis que bah, c'est pareil, quoi. Il y en a partout. Hein. Et à ton avis, Gérard, dans quel pays il y a le plus de prostituées? C'est dans les pays étrangers, comme. On en a parlé avec Laura tout à l'heure. On l'a dit, c'est les adultes qui vont chercher les mômes pour les mettre à la prostitution. C'est pas eux. Connard, on va te faire péter l'anus, du con. Ouais, ça c'est vrai aussi. Moi, dans la place. Fildar, tu vas essayer de me choper tout de suite celui-là. Ouais, voilà. Le problème, c'est que c'est une voix bizarre que j'ai jamais entendue dans les auditeurs que j'ai, là. Il y en a beaucoup en Thaïlande, hein. C'est vrai. Ouais, c'est un petit pays où il y a plein de putes. Ouais, moi je sais pas, Gérard, parce que moi j'ai jamais été voir les putes, donc je sais pas, mais je pense qu'il y a des pays où c'est interdit, et même des villes, quoi. Il y a des villes où la prostitution est interdite, quoi. Écoute pas, Gérard, l'auditeur, il te parle. Ouais, je t'écoute, Susson. Ouais, je disais qu'il y a des villes où la prostitution est interdite, même dans les pays, quoi. T'as qu'à voir au Groenland, il fait trois fois pour se trimballer le cul à l'air. Non, mais attends, bah, celle-là, je comprends, je vois pas. Oh, ceux qui parlent derrière, ça vous gêne pas si je parle? Non. Non. Celui qui s'amuse avec son téléphone, il arrête. Groenland, qui s'amuse avec son téléphone, arrête tout de suite. Il y en a au Groenland, il y en a en Thaïlande, mais en Disneyland, tu verras jamais Blanche-Neige te tailler une pipe. Bon, Pulsar, ça suffit tes conneries maintenant? Ouais, Pulsar. Ouais. Non, mais il est là, c'est bon. Donc la prochaine question, c'est quoi? C'est la dernière? Ouais, il y en a plus. Ah, il y en a plus? Non. Ah bah ça a été vite alors. Bah ouais. Bon bah conclusion alors. Alors conclusion du débat, donc on va demander à Pulsar pour conclusion. Franchement j'ai trouvé ça vulgaire. De quoi? Moi je croyais que t'allais pas parler de la prostitution mais d'une façon imagée, tout en métaphore. Non mais attends, mais moi je m'amuse pas à la prostitution. Et hein. Vas-y, des pines par là, des hommes par là, des chats en papier de verre, des trucs comme ça, moi ça, franchement ça me dégoûte. Moi ça me donne même pas envie de faire l'amour. Mais bon, ça tombe mieux pour toi hein, si t'as pas envie. J'ai envie d'avoir une descendance, si tu veux. Ouais, okay. Donc la prochaine fois que tu fais un débat comme ça, t'essayes d'exhorter tes troupes, déjà, d'une. T'essayes d'avoir de la pêche, parce que t'es quand même à la radio. Hein. Et ouais, voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire. Et puis je te souhaite une bonne soirée, Pécor. Ok, ben toi-même, Pécor. Laura? Ouais, ben en fait, moi je suis hyper choquée de la façon dont t'as amené ce débat. Je suis franchement très très déçue. Et honnêtement, arrête la radio, quoi. Manu, remets-toi à l'alcool. Oui. Alors Laura, moi je t'emmerde. Je les virais. Alors Twingo. Oui. Donc pour toi? Ça s'est mieux passé que le premier. C'était plus agréable à le faire qu'à d'écouter le premier. Néanmoins, bon, on n'a pas traité vraiment le sujet comme d'habitude de toute façon. Et merci Manu d'avoir un peu animé parce que on se serait fait chier. De rien. Non mais de toute manière c'est pas que les questions c'est moi qui les ai préparées. Justement. Ce qu'il y a c'est que quand on demande à quelqu'un de virer des gens et que monsieur soit un ariana put aussi, donc c'est pour ça que ne t'en prends pas toujours aux autres, je veux dire le fond c'est quand même toi quoi. Eux c'est la forme. Ouais non mais attends, c'est comme Fildar qui pousse sa merde quand on lui demande quelque chose. Oui non mais ça c'est parce que t'es pas capable d'assumer, donc c'est Fildar qui prend quoi. Faut bien qu'il y ait quelqu'un qui traîne. Ouais mais alors quand tu demandes à Fildar de virer une personne et qu'il la reprend sous un autre nom, enfin, c'est pas mal. Enfin bref, la suite des conclusions, Gérard. Susson, pour finir. Ouais, bah le débat, c'était à chier comme d'habitude. Hein. La prostitution dans l'armée, on en a rien à foutre. Et puis c'est quand tu veux pour te mettre un coup de tube. Eh ben moi, je t'emmerde. Voilà. Non, mais c'est trop vulgaire en plus. Ouais, grave. Il a fait sa conclusion, tu dis bon d'accord, j'accepte ta conclusion. Non, mais il a pas besoin d'aller plus loin, de dire des conneries. Il donne son avis. C'est tout. Il donne son avis. C'est tout, voilà. Donc, ta conclusion sur l'IRC, il y avait... Bah, les seules conclusions, c'est que c'était pourri, que ça avait ni queue ni tête comme toi, quoi. Eh ben, c'est pas mal. Moi, conclusion, c'est comme la semaine dernière. À chaque fois que vous me foirez les débats, il y en a qu'un qui bosse super bien, genre, qui a bien fait son boulot aujourd'hui. Les deux autres, je peux dire que c'était de la merde. Et lequel a bien bossé? C'est moi. Non, c'est moi, t'es fou. Moi, c'est rigolo. Même toi, t'as pas fait ton boulot comme il faut. Ouais, mais toi, t'as quand même. Non, mais Gérard, t'as écouté ce qu'il vient de te dire, Rigo? Non, mais c'est pas les débats de Rigo. Non mais même il y a Crigo qui a mené à peu près à bien les questions sur internet, on a pu y répondre. C'est sûr que ce soir ça a été un peu la merde. Ça ben tant pis hein, c'est vous qui avez voulu qu'on fasse des débats comme ça. Ben moi si vous voulez plus de débats, ben vous le dites hein. C'est tout, on va les arrêter puis on fera vous ferez de la libre antenne le jeudi. C'est tout. Non, mais il faudrait que tu, je sais pas, que tu réfléchisses ou que tu travailles un peu mieux tes débats, quoi. Non, mais attends, les questions que je vous ai posées, vous m'avez dit que c'était bon, donc maintenant. Non, moi j'ai pas. Les gens, quand je t'ai demandé quelque chose, tu les as repris sous d'autres noms. Non, je les ai virés. Ouais, tu as mon cul, oui. Non. Ouais, tiens, attends, les trois quarts, c'était les mêmes. Non. Hein? Non, à peine. Ah non. Non, tiens, je vais réécouter les cassettes, tu verras que c'était les mêmes. Hein. Enfin, bref. Bah ouais. Voilà, donc vous allez retrouver Rousseau pour la nuit sans pub. Et on s'écoute. J'ai les jambes écartées et j'attends ton tube. Voilà. Et vous allez retrouver Rousseau pour la nuit sans pub.